sane. M'a pas laissé foutu ou capiré, téléphone toujours décroché. M'a pas les ouais des yeux plein de l'eau, m'a capron en défaut. Ou toujours montrer nous au fond, comment on les nous croit encore. Gardez un qui l'état rouillé, fort tête ou rilevé. Son soleil, qu'on vole quand il prend sommeil.